Les comités préparatoires pour la Journée du Soleil sont constitués respectivement le 23 mars en Serbie et en Indonésie. Ils ont décidé d'organiser dans l'espace du 23 mars au 16 avril les cérémonies politiques et culturelles variées comme conférences et séminaires à l'éloge de la vie sacrée révolutionnaire et des exploits immortels du président Kim Il-sung.